والتوكل والاعتماد على الله والأخذ بالأسباب صدق الاعتماد على الله بالقلب والأخذ بالأسباب c'est le véritable la véritable confiance placée en Allah depuis son cœur et la prise des causes, c'est-à-dire que tu sais que le résultat n'a comme qu'à Allah. وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ. Et toi, tu fais seulement ce qui est en ta capacité, que ce soit minime ou autre. Ce qui est en ta capacité de le faire, tu le fais. Sans pour autant te dire que ces causes-là sont elles qui te donneront le résultat. Alors, c'est Allah qui donne le résultat. Que cela te paraisse logique ou pas. Que cela te paraisse logique ou pas. Car beaucoup de gens s'égarent dans les causes. Font des causes qui ne font pas ce qu'on attend d'eux. Mathalan, un exemple qu'on cite souvent, kama huwa al-waqi' al-an, la Palestine. Les causes de secours pour nos frères en Palestine, en réalité, sont des causes de secours pour la Oumma entière. La Palestine n'est qu'un symptôme du mal de la Oumma. La Palestine en soi n'est pas un objectif. L'objectif, il est aham min dhalik. La Palestine n'est qu'un signe qui reflète ce mal qui touche la Oumma. Et quand bien même, demain, on libérerait la Palestine en étant le hell dans lequel nous sommes, on va peut-être perdre autre chose. Alors, par contre, si demain, la Oumma se réformait, sur notre droit, la Palestine et autre que la Palestine reviendront entre nos mains. Malheureusement, les gens, ils se trompent de cible. Et ils sont trop d'objectifs. Et quand je dis que ce n'est pas un objectif, dans le sens, ce n'est pas un aboutissement final, en fait. Ce n'est pas une guerre, c'est une bataille. D'accord ? Une bataille se compose de plusieurs... Une guerre se compose de plusieurs batailles. La Palestine est une bataille, mais elle n'est pas la guerre, en soi. La guerre, en soi, c'est quoi ? Shirk wa tawhid. Adam. Sunna wa bid'a. Ta'a wa ma'asiyah. C'est ça, la guerre, finale. Et la Palestine, elle, c'est pour montrer que c'est une bataille qui actuellement est perdue. Pourquoi ? Car il y a un khalal dans les autres choses. Il y a un khalal chez nous. Le khalal n'est pas que chez les Palestiniens. Là, il est chez nous tous, de façon générale. Lihada yansah al-ulama. Dès qu'on leur demande par rapport à la Palestine comment faire, ils conseillent de façon générale l'islah al-fardi, al-shakhsi. Chaque individu, déjà, commence par lui-même. Car cette Oumma est composée d'individus. Et si ces individus s'arrangent, cette Oumma sera arrangée de façon générale. Bien sûr, il est légitime pour les Palestiniens de se défendre. D'accord ? Mais, la défense qu'ils ont n'amènera pas une victoire tant qu'on sera sur le hal dans lequel on est. Donc, kazalik, leur façon de se défendre doit être légiférée également. Et pour qu'ils aient un résultat, il faut qu'eux-mêmes soient sûrs d'une certaine istiqama fil aqida. Donc ça peut durer longtemps encore. Ça fait déjà longtemps que ça dure. Donc, vu le temps que ça dure, il faut se dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc pourquoi recommencer à chaque fois les mêmes choses? Et ne pas se dire, bah, finalement, tout ce qu'on a mal, on s'y est mal pris, c'est une autre façon de faire. Et écouter ce que les ulama conseillent de faire. Plutôt de les prendre en dérisoire, en dérision, et de dire qu'ils ne comprennent pas le waqi'a. Ils ne savent pas ce qui se passe, qu'ils sont loin, qu'ils sont des ulama au service des gouvernements et je ne sais quoi d'autre. Ils sont des espions, je ne sais quoi. Là, Aoula Nusaha, ils sont des conseillers pour la Oumma. Et au meilleur qu'il y a, beaucoup de gens vont regretter leur parole amère. On ne dit pas qu'ils sont infaillibles, mais dans l'ensemble, ils appellent tous à la même chose. Qu'il faut qu'il y ait un islah, am, wa yabda bil islah. Al-Khas. D'accord? Comme l'a dit Cheikh Al-Albani. Ou-Ghayruhu. Et c'est le kalam de tous les ulama que tu vas voir. Avant de commencer par ce qu'il y a là-bas, commence par ce qu'il y a devant toi. Chez toi, en premier lieu. Chez toi. Ton nefs, awalen. Vous voyez? Et ce sur qui tu as autorité en ta dans ton toit. Et ainsi de suite. Conseiller ton entourage, tes voisins, tes parents, tes ashab, et les alika. Et, chien fâché, هذا سيسيل إلى المقصود إلى هنا وإلى هنا فهمت هذا donc les asbab faut les comprendre pour qu'on envoie les résultats sinon ça peut être de la fatigue voire même de zunub un sabab mal accompli après que l'argument était donné tu tombes dans la marsia tu tombes dans la bid'a tu t'en fais une ibadah wa la'azubillah azzawah